On vous parle de ce thème-là qu'on aborde de temps à autre, le numérique qui pose toutes sortes de défis à nos artistes. Hein. Bon, c'est des opportunités pour certains, mais c'est aussi, ça complique les choses aussi pour d'autres. Quand on pense à des plateformes comme Apple Music ou Spotify pour la musique, Netflix, YouTube pour la télé, ben, toutes ces plateformes posent des défis à nos artisans, aux industries culturelles aussi qui sont appelées à se moderniser. Alors, comment on fait dans ce contexte-là pour développer une culture qui demeure forte? Ben, c'est un peu la question qu'on s'est posée il y a une dizaine de jours dans le cadre de ce colloque qui était présenté à l'Université Laval, et notre collègue Raymond Poirier y était. Bonjour Raymond. Bonjour. Tu es là pour ta chronique numérique. Et oui, parle-nous un peu de ce colloque qui était organisé par la chaire UNESCO. Oui, la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, le Centre d'études sur les médias qui proposait, c'était le 18 novembre dernier, ce colloque « L'avenir de la culture à l'ère du numérique, les défis pour l'État ». Alors, une opportunité peut-être, j'ai l'impression, beaucoup de faire un grand constat, un grand regard sur l'état des lieux. Question peut-être de mieux se préparer à l'appréhender, à se l'approprier. Un regard aussi sur des initiatives qui ont été mises de l'avant et qui, eux, se sont soldées par un succès. Question de mettre un peu la table, le colloque avait commencé avec des représentants du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour nous rappeler qu'il y a des démarches qui sont déjà en cours au niveau de l'État, que c'est quelque chose auquel notre État est sensible. Oui, il y a un plan culturel numérique qui est en vigueur au Québec depuis quelques années déjà. Oui, qui en est à sa troisième année avec donc des nouveaux programmes, des nouvelles sources de financement qui arrivent à chaque année. Ça s'insère aussi, ou ça va s'insérer dans une grande stratégie numérique que le gouvernement est en train de préparer au moment où on se parle. Alors, il y a ce contexte-là, on dit, regardez, il y a des argents, il y a des réflexions aussi, évidemment, notamment un chantier sur le droit d'auteur à l'ère numérique qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a des initiatives, ce qui fait que essentiellement les officiers de l'État nous ont dit, ben, regardez, on est effectivement réceptifs à ces préoccupations-là, parce que ben nous aussi, on étudie, on appréhende et on commence à se lancer un peu dans ces grands chantiers-là. Maintenant, évidemment, ça change en matière de culture. Quand on parle de culture, le numérique, ça change tout. Ça change plein de comportements des consommateurs dans la manière dont on consomme la musique, la télévision, les films, les livres. Oui, en fait, les présentations qui ont été faites, il y en a une que j'ai trouvée particulièrement intéressante, qui est celle de Suzanne Lortie, qui est une professeure de communication du côté de l'UQAM, qui essentiellement essaie de voir, d'analyser, de comprendre les usages qui sont faits du numérique. Et elle remarquait évidemment qu'il y avait, on en a déjà parlé ici d'ailleurs, un changement de paradigme face à la vérité. Donc la vérité et le mensonge qui sont mis à pied d'égalité, qu'on ne demande pas nécessairement une véracité à nos informations, mais qu'on demande à être engagé par les informations qu'on lit, qu'on découvre. Elle utilisait une citation d'ailleurs pour décrire un peu ce phénomène-là et le rôle des médias traditionnels, des médias crédibles à tout le moins face à ça. Elle disait, regardez, j'ouvrais les guillemets, bullshit is engaging, truth must be as engaging as bullshit. C'est dans le cas de Facebook, entre autres, de ces grandes réflexions-là qu'on a eues dans les dernières semaines. C'est un peu un fléau, ces fausses nouvelles. On en retrouve pratiquement autant que des informations véridiques. Puis il y a toutes ces rumeurs, des fois, qui sont lancées sur Twitter, par exemple, et ça devient une grosse histoire. Tu avais peut-être un exemple pour nous, en fait, non, j'ai envie plus de faire une parenthèse, parce qu'il y a un sondeur de qui est venu présenter un peu les usages qui sont faits. Et je vais juste le mentionner parce que je pense que ça se prête bien à cet instant de la discussion. Il disait, de manière générale, on passe plus de temps aujourd'hui à s'informer qu'avant. En fait, on passe à peu près 84 minutes par jour. On passe une centaine de minutes par jour à s'informer. Mais est-ce qu'on s'informe mieux? Mais en fait la question, c'est que les gens ne savent plus qu'est-ce que s'informer? Est-ce que tout le monde en parle, c'est du divertissement ou de l'information? Mm-hmm. Est-ce qu'une fausse nouvelle, c'est du divertissement ou de l'information? Il y a un flou qui se fait entre donc l'économie de la distraction, on pourrait l'appeler comme ça, et l'économie de l'information. Alors, les gens s'engagent, les gens veulent s'informer. Le numérique permet d'aller chercher de l'information de plus en plus personnalisée, mais en même temps, les gens ont tendance peut-être à s'engager sur des trucs qui sont plus spectaculaires ou qui répondent plus à ce qu'ils veulent entendre plutôt que face à la vérité. Alors ça, c'est un premier grand constat qu'elle a fait, évidemment dans un contexte aussi où les numériques ne sont plus branchés, paradoxalement, dans la mesure où jusqu'à, en fait, les plus vieux d'entre nous ont généralement l'habitude d'utiliser Internet sur l'ordinateur, et on s'installe devant le clavier, on est au bureau, à la maison, on travaille un peu là-dessus. Donc ça, c'était ça il y a quelques années. Cela encore sûrement pour certains. Par contre, avec les tablettes, avec les téléphones intelligents, ben subitement, on apporte Internet avec nous. Et donc, ce qui fait que de moins en moins, on va faire du temps Internet traditionnel à la maison en avant de l'ordinateur. On va l'utiliser peut-être plus pour travailler. Et on va faire de l'Internet dans notre lit, dans notre salon, dans l'autobus, à l'extérieur, dans un parc, avec nos téléphones et nos tablettes. Et donc, ce qui fait qu'il y a une notion, on pourrait dire, d'itinérance qui est en train de s'installer. Donc, dans la mesure où on ne sait plus exactement où on va rejoindre les gens, dans quel contexte on va les rejoindre, dans quel contexte leur attention va pouvoir être lancée aussi de manière plus précise peut-être vers les usagers. Et tranquillement aussi, ce qu'ils remarquent, c'est qu'il y a même des gens qui... peu à peu commence à laisser tomber les connexions Internet à la maison, donc qu'on n'a plus l'accès sans fil habituel, donc on y va avec le 3G, avec le 4G, qu'on va profiter des services publics. Par exemple, ils ont remarqué aux États-Unis qu'il y a eu une augmentation de 16% à 53% de présence de jeunes générations, milléniaux, on pourrait dire, dans les bibliothèques, donc des jeunes qui ont coupé Internet à la maison, mais pour les gros téléchargements, pour l'usage plus massif qu'ils en ont à faire, ben ils vont aller à la bibliothèque, sinon ils vont se contenter de la 3G, de la 4G. Mm-hmm. Pour fonctionner et des autres types de connexions. Alors, il y a cet élément-là qui est à garder en tête dans un contexte où, en plus, et ça, c'est un autre constat qu'elle fait, il y a 17% des gens qui, généralement, vont dépasser leur forfait. Donc, il y a un gros usage qui est fait avec les téléphones. L'itinérance amène des dépassements de forfait. Et rappelle à ceux qui ne le savent pas encore que le téléphone est tout sauf simplement un appareil photo et un téléphone, finalement. Le téléphone, c'est pratiquement la dernière fonction qu'on va utiliser sur son téléphone. Il y a la manière dont les gens consomment la culture, mais aussi on perd un peu le contrôle sur ce que l'on consomme. D'abord, on ne possède plus la culture, on ne s'achète plus pratiquement de pièces de musique ou de films. On les consomme plus sur des plateformes de diffusion en continu comme Netflix ou YouTube et les autres, je les ai nommés tout à l'heure. Et ce qui entre un peu en bout de compte, c'est les algorithmes aussi. En fait, c'est eux qui déterminent un peu ce qu'on va regarder. Et ça pose un problème pour nos producteurs québécois, par exemple, qui ont de la misère à trouver une visibilité. Il faut que les algorithmes leur offrent une visibilité sur les plateformes numériques. Et ça pose tout un défi aussi. Ben, en fait, les algorithmes vont nous proposer le contenu pour lequel on est peut-être le plus sensible. Et nécessairement, ben, si on n'est pas, on est moins sensible à un certain type de contenu, alors ben, nécessairement, on va aller vers d'autres types. Et c'est ces autres types-là qui, à la longue, vont nous être proposés. Alors, on revient un peu à ce qu'on disait sur l'engagement. Donc, faut réussir à ce que le contenu québécois, canadien, soit aussi engageant que le contenu international. Mais évidemment, et les gens qui étaient à ce colloque-là l'ont signalé, tout ça avec un grain de sable en termes de moyens, comparativement aux moyens des grands artistes internationaux. D'ailleurs, en fait, j'ai envie de faire le saut sur un sondage CROP qui a été fait et faire le pouce un peu là-dessus, dans la mesure où, donc, pour le cadre du colloque, ils ont fait une analyse pour essayer de comprendre un peu c'était quoi les attraits, le type de contenu qui était fréquent, qui était qu'on regardait, si on peut dire, sur le web. Mm-hmm. Et il avait remarqué qu'il y avait quand même un souci, en fait, où 75% des jeunes, par exemple, donc 18-24 ans, consommaient du contenu canadien, avaient souci de regarder du contenu canadien, mais par contre que, disons, le contenu qu'ils préféraient était du contenu international. Donc, c'est... et d'ailleurs, ça amène un peu un contexte générationnel à tout ça, dans la mesure où plus on est jeune, plus on est dans les jeunes générations, plus on a un usage marqué d'Internet, plus notre consommation est axée sur les artistes internationaux versus le contenu plus local, plus on trouve que suffisamment de contenu local, parce qu'on est peut-être un peu moins sensible à l'intérêt de ce contenu-là aussi, on en consomme quand même, mais de manière moins proactive, si on peut dire, que du contenu international. Et on remarque effectivement que pour les plus jeunes générations, ben la majorité du contenu qui est consommé reste justement des grands artistes internationaux. Et le reste, ça c'est les même si il y a ce souci et cet intérêt de consommer de la culture locale. Donc, il n'y a pas une fermeture, mais évidemment, on y va vers ce qui va nous rejoindre peut-être beaucoup plus facilement, ce qui va venir à nous peut-être un peu plus naturellement, ce qui va être discuté dans les cours d'école secondaire, dans les cégeps, dans les cours d'université, ce qui va être diffusé un peu partout finalement. Donc, il y a cette dynamique-là, renforcée évidemment par des algorithmes, parce que si j'écoute ce type de musique-là, si je clique sur des publications, si je réagis, si je m'engage face à des publications en lien avec ce contenu-là, ben évidemment, ensuite, les algorithmes vont me pousser un peu plus le contenu qui représente un peu cette réalité-là. Le titre du congrès posait la question « Quel est le rôle de l'État dans tout ça? » Est-ce qu'on a répondu un peu à cette question? Parce que vous avez, par exemple, la Disque qui représente l'industrie de la musique et qui est venue nous dire il y a quelques semaines qui a lancé un cri du cœur, un cri d'alarme finalement, et qui a dit « On a besoin d'une aide gouvernementale », qui a demandé 15 millions sur 2 ans, et surtout qui dit aussi qu'il faudrait peut-être changer le cadre légal un peu pour obliger ces grandes compagnies du web américaines à payer leur part d'impôts, revoir peut-être la fiscalité de ces entreprises ici au Québec, et aussi les forcer peut-être, comme on a forcé les radios par le passé à diffuser un grand pourcentage de musique francophone chaque jour, forcer aussi les diffuseurs à présenter avant tout du contenu québécois. Et en fait, le grand défi dans ça, c'est qu'Internet n'est pas un diffuseur, dans la mesure où si on se débranche en fait des modes de diffusion traditionnels, eh bien le défi n'est plus nécessairement de forcer des diffuseurs à offrir du contenu, mais plutôt à accompagner ces diffuseurs-là. C'est aux producteurs de contenu d'être plus attrayants et de répondre spécifiquement aux besoins. Oui, de réussir à aller chercher ces gens-là, parce que ces gens-là ne sont plus là ou sont de moins en moins là. Ils sont ailleurs. Ils se connectent différemment. Ils consomment la culture différemment. Ils ont une relation différente avec la culture. Donc, il faut réussir à aller les chercher où ils sont. Il y a Michel Cormier, par exemple, de Radio-Canada, qui était là, qui lui disait, regardez, nous, le pari qu'on fait, c'est celui de la crédibilité. Donc, on mise sur le fait qu'on est un média crédible, que les informations qui se retrouvent sur notre site sont avérées, c'est des informations vraies. Donc, il y aura peut-être un désir d'aller chercher ce type d'informations-là. Parallèlement, donc c'est de se distinguer des autres en créant ce lien de confiance avec le public et en disant nous autres on est crédibles et on fait notre travail de manière rigoureuse. Exactement, et parallèlement d'aller aussi essayer d'aller chercher des nouveaux médias, c'est ce que font d'ailleurs la plupart. Il y avait des gens de TFO qui ont donné leur exemple et qui ont réussi à se renouveler avec le contenu numérique, qui ont été sur YouTube pour aller rejoindre des gens. Ils ont à peu près 300 millions de vues présentement pour leurs vidéos éducatives, et ils disent regardez, on n'a pas du tout changé notre programme éducatif, là. C'est ce qu'on fait, c'est le programme éducatif de l'Ontario, mais on le fait sur YouTube en plus de la télévision. De toute façon, YouTube a des programmes de monétisation aussi, donc il y a possibilité de rentabiliser l'investissement qu'on fait en y allant, en offrant certains pans de programmation. Et les gens y viennent aussi parce que il y a un désir chez les gens, chez les parents, chez les jeunes, d'aller chercher un contenu qui est intéressant aussi. Ça reste un souci. Évidemment, faut réussir à se rendre où les gens sont, et dans un contexte aussi, et je terminerai peut-être là-dessus, où la publicité n'est plus au rendez-vous dans les médias. Et ça, c'était un peu le gros signal d'alarme qui a été porté. Il faut revoir les modèles d'affaires. Ouais. Parce que la publicité, l'investissement en papier, par exemple, Brian Miles du Devoir était là pour nous le dire, a chuté drastiquement. Les gens investissent dans les pubs numériques, mais les investissent pas sur les sites des médias, les investissent dans Google ou dans Facebook. Ouais, ça, c'est un autre problème, effectivement. En tout cas, au moins, on a pu en parler lors de ce congrès, puis il y avait beaucoup d'acteurs. Ça a été, j'ai l'impression, en tout cas, ça doit être intéressant pour un gars comme toi, Raymond, qui s'intéresse beaucoup au numérique. Mais encore une fois, il y a des beaux exemples qui existent. Tu mentionnais TFO. Il y a des choses qui se font et qui connaissent un certain succès. Et pour en revenir à la musique, on a des exemples chez nous aussi de groupes de musique qui ont profité de ces nouvelles plateformes numériques pour développer une base de fans et se donner une certaine visibilité. Alors, il y a des belles choses qui se font aussi avec le numérique. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Encore une fois, il faut mieux comprendre un peu ce qui se passe et les évolutions dans les comportements des consommateurs. Exactement. Fait, notre société est en pleine mutation. Les règles du jeu sont à redéfinir, mais j'ai l'impression qu'il faut réussir à comprendre les règles avant de les redéfinir. Et ça, c'est pas évident. Raymond Poirier, merci beaucoup. On te retrouve dans une semaine pour une autre chronique. Sans faute.